Oui, je sais. J'ai regardé dans ton passeport. Vous vous appelez... Oh, pardon. Tu t'appelles? Je m'appelle Georges. Donc, Valérie, tu prends de la sole meunière. Avec des frites? Mais non! Et toi, Georges, tu prends quelques frites avec ton veau? Oui. Et ensuite des haricots verts et une salade pour tous les deux. Garçon! Oui, monsieur. Une sole meunière et une blanquette de veau aux champignons, s'il vous plaît. Avec des frites. Oui. Ensuite, des haricots verts et de la salade. Et une carafe de vin blanc.